Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours accompagné d'Aurore. Bonjour Kevin. Tu vas bien aujourd'hui ? Bien et toi ? Eh ben écoute, en pleine forme, hein, quand il s'agit de parler de cinéma, bien évidemment, je suis toujours en forme. Alors on a réfléchi quand même à quel film on allait parler, parce que c'est vrai que on a déjà plus d'une dizaine de films au compteur, hein, mine de rien. Et on s'était dit, hein, je me souviens, les films d'animation, ça fait un petit moment, mine de rien. Ouais. Et puis là, forcément, il y avait quand même un film d'animation qui sortait, qui était attendu. C'est vrai, oui, non, c'est vrai. Et pas des moindres. Ouais, le dernier, c'était Spider-Man, si je ne me trompe pas. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc c'est vrai que ça remontait un petit peu. Ouais. Et donc là, on s'est dit, on ne pouvait pas ne pas parler donc, de Vice Versa 2, la suite de Vice Versa qui avait cartonné, qui avait remis Pixar sur les rails. Et après, bon, il y a eu un petit peu une chute libre de Pixar. Ouais, alors, de Disney-Pixar. Oui, ouais. Voilà, Disney, c'est vrai qu'ils sont ensemble. Et bon, est-ce que... entre guillemets, ils ont relevé un petit peu le niveau, bon, on va en parler. Avant d'en parler, je rappelle l'histoire, fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général, qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété notamment débarque, et il semble qu'elle ne soit pas la seule. Donc voilà l'histoire de cette suite qui arrive presque 10 ans, hein, après le premier, un peu moins quand même, mais le premier ouais, sorti il y a un 9 petit moment. Ans, ouais, 9 ouais, ans, voilà. Ça, ouais. Donc voilà, ça a mis le temps, alors est-ce que cette attente valait la peine ? Aurore, dis-moi tout. Ou dis-nous tout. Alors, en tout cas, au niveau des spectateurs, oui. Il a battu le record du box-office en à peine 12 jours. Il a battu Dune, qui était le film le plus vu avec le plus d'entrées au box-office cette année. Donc, apparemment, pour les spectateurs, oui. Personnellement, pour moi, oui aussi. Enfin, moi, j'ai bien... ça fait vraiment du bien d'avoir un film comme ça qui relâche la pression. Enfin... là, les films récemment que j'ai vus, c'était pas... enfin, j'ai vu Zone d'intérêt, on a vu de Quentin Dupieux, etc. C'est des films... en ce moment, on n'avait pas énorme... enfin, pas énorme. Ça commence, ça y est, on voit que l'été approche et que... en tout cas, au niveau du cinéma, que l'été approche. Il y a un petit peu plus de légèreté. C'est ça, qu'il y a un peu plus de légèreté et plus de films familiaux, on va dire. Parce que c'est un peu ce qu'on avait vu, notamment au niveau de janvier-février. On avait... très peu de films à gros budget, alors que là maintenant on a Vice Versa, on a les Mad Max, on a Bad Boys aussi, donc on a pas mal de films, ça y est, de gros budget qui commencent à arriver et on sait plus trop où mettre la tête, mais en tout cas aller voir Vice Versa c'était très intéressant et ça fait vraiment du bien, un peu de légèreté comme ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors bon, c'est vrai que forcément, c'était compliqué de passer après le premier qui est incroyable, oui, exceptionnel, sur tous les plans. Le deuxième, forcément, il y a moins l'effet de surprise, c'est normal. Bien sûr, ouais. Visuellement parlant, c'est toujours aussi beau. Oui, oui. Clairement, il n'y a rien oui, à redire là-dessus. Les animations, ouais, notamment, enfin, moi, j'aime beaucoup, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie particulièrement les Spider-Man. C'est vraiment ce mélange d'animation et de support d'animation que je trouve extrêmement beau. Ce palier entre du 2D, du 3D, etc., du truc très rond au truc très carré. Moi, j'apprécie particulièrement vraiment les mélanges artistiques d'animation très différentes. Et là, ils l'ont fait un petit peu, pas énormément, mais ils l'ont fait un petit peu et ça fait toujours plaisir à voir, je trouve. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a quelques facéties, on va dire, dans le film. Hein. Voilà, on va pas spoiler non plus, mais c'est vrai qu'il y a quelques idées visuelles intéressantes, en effet. Alors, sur le fond, par contre, voilà, personnellement, en tout cas, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est quand même un poil plus classique que ouais, le premier. Après, il va... enfin, voilà, c'est un peu des redites, hein. On s'y attendait à un 2, c'est rare de faire très original. Effectivement, il y avait beaucoup d'attentes. Après, j'ai peut-être... moi, j'y suis allée avec des personnes qui ont ressenti l'émotion, qui, évidemment, ont pleuré à certaines parties. Personnellement, je ne l'ai pas trop ressenti. Oui, moi non plus. Parce que, il y avait beaucoup d'attentes. Par rapport au premier film, voilà, maintenant, les films comme ça, on commence à s'attendre de ce qui va se passer. Et donc, du coup, on n'a plus vraiment d'émotion qui ressort, ça devient assez rare. Et malheureusement, personnellement, pour moi, ça a été le cas. Puis c'est vrai que c'est les nouvelles émotions qui arrivent sont moins tranchées que les premières. C'est ça. Il y a donc c'est anxiété qui prend le pas hein, sur le reste. Mais finalement, les autres émotions qui sont avec anxiété, bon, elles sont vraiment là, histoire de dire il y a de nouvelles émotions. Ouais. Elles sont vraiment en second plan, voire au troisième plan. Ouais. Et les cinq principales émotions gardent quand même leur premier rôle. C'est ça. Mm. Et puis on a l'impression que les nouvelles émotions se connaissaient déjà. On a l'impression qu'elles travaillaient déjà ensemble. Et donc du coup on n'a pas dans le premier c'est vraiment l'apprentissage de travailler ensemble, etc., d'apprendre à cohabiter, à travailler. Alors que là, bah en fait elles travaillent déjà ensemble et t'as juste deux clans, on va dire, qui s'opposent. Mais au final, tu sais très bien quel clan va fonctionner. Et puis, elles travaillent déjà ensemble, en fait. Elles se connaissent déjà, elles cohabitent déjà. Et donc, du coup, t'as un peu moins cette idée de conflit. Il est beaucoup moins présent. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Après, bon, ce que j'ai bien aimé, c'est que par rapport au premier, le deuxième est un petit peu plus en mode huis clos finalement. Hein, oui. Le premier, voilà, on naviguait un peu plus avec la jeune fille. Là, maintenant, elle est adolescente. Donc, le choix d'avoir une unité de lieu, voilà, où elle franchit le cap un peu des études supérieures, en mode un peu sport, dans un stage de hockey, etc. Alors, pour le coup, ça, j'ai pas trouvé ça inintéressant, au contraire. Non, c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette idée de compétition, etc. Ça, les deux se rallient très bien. Et puis en plus, ça permet à Disney de pouvoir mettre leur image de diversité, même si apparemment ça n'a pas plu à tout le monde. Mais, ça a été un peu moi, j'ai pas. Ouais, non, oui. Après, bon, bah voilà, hein, ils le font dans tous les films, il faut arrêter d'être surpris, je trouve. Oui, bien sûr. Et puis c'est normal. Je suis désolée, mais c'est totalement normal. De pas que de représenter malheureusement des personnes aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Hein. c'est sûr. Mais voilà, ça fait longtemps qu'ils le font et je vois pas pourquoi ils arrêteraient de le faire. C'est glissé, c'est moins, je trouve, c'est beaucoup moins appuyé. Là, les personnes sont là, c'est des personnages et puis voilà, c'est pas appuyé en mode. Voilà, elle était comme ça, quoi. Non. Mais bon, bref. Mais non, c'est vrai que le hockey était une très bonne idée. Puis le fait qu'elle soit avec ses amis et que, voilà, j'ai trouvé ça. Ça rallie bien l'opposition des deux camps dans le hockey et dans le quartier général. Ouais, je trouve aussi. Et puis ça amène. Pour le coup, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, une vraie, entre guillemets, aventure un peu intérieure, finalement. C'est ça, ouais. Donc voilà, on explore bien évidemment diverses émotions, mais finalement, les émotions sont peut-être moins axées, entre guillemets, je dis bien, sur Riley, mais même peut-être plus entre les émotions entre elles. On a vraiment joie, tristesse, etc. Enfin, vraiment, je trouve que cette fois-ci, Disney Pixar va plus loin dans les émotions principales. Oui. On le voit bien, hein. C'est encore plus poussé et c'est ça qui est intéressant finalement. Finalement, l'ajout, entre guillemets, des nouvelles émotions, est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas, parce qu'ils auraient pu très bien conserver les anciennes. Ouais. Parce que là, ils vont quand même plus loin avec elles. Après, c'est pas inintéressant, hein, attention, les nouvelles émotions, mais finalement, avec les principales, il y avait déjà beaucoup de choses à dire, déjà, je trouve. Oui, non, c'est vrai. Et puis après, voilà, les nouvelles émotions servent juste de déclic au changement des anciennes. Et de montrer finalement le passage à l'adolescence. C'est ça. Après, est-ce qu'elle sert vraiment à grand-chose? C'est discutable. Voilà. Non, mais ça permet d'avoir des Adèle Exarchopoulos qui revient. Oui, c'est vrai que les voix françaises sont très bien. Ouais, les voix françaises sont très bien. Bah, elle fait aussi la VO. Hein. Elle fait les deux. Exactement. J'ai découvert, alors ça, j'étais absolument ravie que c'est. Alors, j'ai plus son nom de famille, c'est Phyllis qui fait Tristesse. Ouais. L'actrice qui joue Phyllis dans The Office. Ah, d'accord. Et en VO. Et ça lui va super bien. Enfin, quand j'ai vu ça ce week-end, je l'ai vu doubler Tristesse et j'étais en anglais, j'étais oui, effectivement, ça ne peut être qu'elle. Et voilà, ça donc en VO aussi, ils ont des belles voix. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que voilà, même si le film n'est pas parfait, il y a quelques imperfections. Comme tu disais, on prend plaisir à retrouver les personnages. C'est quand même très qualitatif hein, pour du Disney Pixar par rapport à d'autres suites qu'il y a pu avoir. Et en effet, comme tu l'as dit, c'est familial, c'est léger, mais en même temps, ça amène à la réflexion. C'est voilà, ça reste intelligent et ça c'est bien. On prend pas les spectateurs pour des abrutis entre guillemets. Parce que bon, parfois, on se dit ah oui d'accord, bon, ok, oui, c'est couru d'avance, etc. Et on passe un agréable moment. Enfin moi, en tout cas, je me suis pas du tout ennuyé. J'en ai pris plein la vue et je suis ressorti vraiment avec du baume au cœur et puis de la bonhomie. Enfin, je me suis dit ah c'est bien de voir ce genre de film d'animation. C'est une bonne leçon et j'ai même été surpris de voir que il y a des docteurs qui ont travaillé sur le film. Quand on regarde le générique, à un moment, ils donnent une liste de docteurs psychologues, je pense, qui du coup ont donné leur avis. Et je pense que c'est ça aussi qui donne cet effet très réaliste des différentes émotions très, très tranchées. Et ça permet aussi, je pense, à petite échelle, d'un peu mieux comprendre peut-être l'adolescence, etc. Moi personnellement, j'ai vraiment apprécié, et même dans le premier, je me souviens, c'est la réaction des parents, quartier général parents. Je trouve qu'il est toujours bienvenu. Il est toujours bien calé, mais vraiment c'est ça. Toujours juste. C'est ça, toujours juste, et c'est assez drôle. Et là, de voir les parents qui comprennent rien à ce qui se passe, c'est la panique totale. Je trouve ça vraiment bien. Donc en effet, on ne peut que vous encourager à aller voir donc Vice Versa 2 qui est sorti donc le 19 juin dernier au cinéma, qui va rester je pense tout l'été à l'affiche. C'est vraiment le film estival par excellence, et qui sait, peut-être un troisième à voir. Mais bon, là peut-être. Par contre, il faudra qu'ils aillent plus loin à mon avis. Parce que là sinon, s'ils font la même chose, s'ils font un troisième groupe d'émotions, ça va être long. Je pense pas. Après Vice Versa 2, comme à notre habitude, voilà, on a déniché, Aurore a déniché, hein, parce qu'elle a l'œil sur des faits étonnants qui peut y avoir dans certains films. Donc là, en l'occurrence, c'est dans un film d'animation, je crois également. C'est ça, c'est dans Coco, un Disney Pixar aussi. Dans le top des Disney Pixar. Hein. Oui, là, c'est un très, très, très, très beau film. Oui. L'idée du film, c'est que il y a deux idées principales, c'est la famille et réaliser ses rêves. Et en fait, quand on regarde le film, on se rend compte au début qu'il y a une division de l'écran. La famille va plus se trouver à droite, alors que le fait de réaliser ses rêves sera plutôt à droite. Et en fait, au fur et à mesure du film, on va avoir Miguel qui va voyager entre les deux, donc vers la famille, vers ses rêves, etc., etc. Au fur et à mesure du film, en fait, où ses rêves vont le retenir et etc., il va se rendre compte que la famille va être aussi très importante. Et donc, du coup, il va partir dans l'autre sens et opposer. Ses mouvements vont s'opposer, etc. On aura toujours cette division entre les deux, et voire même au bout d'un moment, ce rassemblement. Non, j'ai vu le film, mais j'ai jamais remarqué ça. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Il y a toujours des petits trucs comme ça qu'on voit pas, mais en analysant bien, on voit bien les choses. Alors, après avoir parlé donc de Vice Versa, de ce fait étonnant, voilà, on a regardé un petit peu avec Aurore les prochaines sorties. Alors forcément, on arrive dans une saison estivale, juillet-août, hein, c'est toujours des grosses sorties, des gros films, souvent américains d'ailleurs, il y a moins de films français quand même sur cette période-là, et ça ne déroge pas à la règle, puisque donc le 10 juillet prochain, il y a la suite de Moi moche et méchant, donc le quatrième opus, ça cartonne toujours. Oui. Il y a eu un spin-off sur les Mignons, il y en a eu deux d'ailleurs. Il y a même des séries animées. Ça cartonne. Bon, après, voilà, c'est vrai que moi personnellement je suis client, j'adore. Enfin, clairement, c'est bien fichu, c'est génial. Bon, on peut je sais, on peut se dire que la qualité de film en film est peut-être légèrement moins bonne, c'est normal, hein, au bout d'un moment. Donc j'espère qu'en tout cas, ce quatrième opus va relever peut-être l'ensemble. Dans tous les cas, pour la petite histoire, pour la première fois en 7 ans, Gru, le super méchant le plus populaire du monde, devenu super agent de l'agence Vigilance de Lynx, revient dans un nouveau chapitre aussi hilarant que chaotique de la célébrissime saga d'Illumination. Donc, Gru, Lucie et ses filles accueillent cette fois-ci un petit dernier. Et oui, il y a un enfant qui arrive, c'est Gru Junior, qui semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi, Maxime le Mâle, qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir. Il y a un côté, je trouve... les indestructibles, je sais pas oui, pourquoi. Oui, non, clairement, non, j'ai vu la bande-annonce. C'est le petit Jack. Ouais, ah, ouais, voilà, ouais. C'est le petit Jack. Clairement, c'est ça. Alors, j'ai pensé à la même chose. Si c'est aussi bien que les indestructibles, moi, je signe tout de suite. Oui. J'attends de voir. Ah, oui. Mais en tout cas, voilà, j'irai le voir. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment. Généralement, ça marche toujours bien. Oui. Donc, à voir. Et toi, Aurore, quel film te hype là dans les prochaines semaines? Alors moi c'est depuis longtemps hein, mais on l'attendait depuis très longtemps. Et oui. Les coups de com sont absolument incroyables, notamment par rapport au popcorn. Je pense que vous savez de quoi je vais parler. Non, c'est le prochain Deadpool, donc Deadpool et Wolverine qui va sortir le 24 juillet. Ça fait bien longtemps qu'on l'attend. Ça va être un des seuls films Marvel de cette année. Et oui. Et ça fait plaisir. Ouais, ouais. Voilà. Mieux vaut de la qualité que de la quantité. C'est ça. J'espère qu'ils vont enfin le comprendre. Non, donc du coup, voilà, c'est avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Donc on retrouve Hugh Jackman en Wolverine. En plus, dans son costume des comics, et ça fait plaisir aussi. Ça fait longtemps qu'on voulait le voir. Alors, ça va être une comédie un peu plus pour adultes. Je pense que les enfants, je déconseille fortement au vu des deux premiers. J'espère, oui. On prie en tout cas pour que ce soit... Les bandes-annonces nous ont pas déçus et on espère que ça va être le même humour que les deux premiers. En montre très peu d'ailleurs. Ouais, ça en montre très peu, mais voilà. Le fait que la Fox ait été rachetée par Disney, on avait tous peur sur, surtout sur l'avenir de Deadpool, qui a un humour très tranchant, sans mauvais jeu de mots. Et donc du coup, là c'est bon signe. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, ça fait et plaisir de le voir. Et on en sait quand même un peu plus sur l'histoire ou ils en ont pas trop dit. On sait que ça va être dans la TVA et qu'il va y avoir une histoire de multivers oui. et compagnie. Oui, oui, oui. Après, pour l'instant. Et puis je sais qu'ils vont, ouais, a priori, faire revenir pas mal de personnages. Mais on s'attend à plein de trucs. Hein. Bah, le synopsis d'Allociné, c'est l'introduction de l'équipe X-Force dans le multiverse Marvel Fox. Donc voilà. Ah oui, c'est très compliqué. Ah oui. Débrouillez-vous avec ça. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a un certain embargo hein, autour ah, de oui, Deadpool et puis le coup de com' était. Enfin voilà, quand ils ont vu les pots de popcorn de Dune, ils ont sauté sur l'occasion et c'était. Enfin, c'est du génie, quoi. Donc voilà, en tout cas. Et l'avant-première, c'est quand même exceptionnel pour le souligner, aura lieu donc le mardi 23 juillet, mais à 23h55, je crois. C'est ça. Légèrement ouais, avant minuit, histoire de dire que c'est une avant-première. C'est ça. Et du coup, le film voilà, va se dérouler en début de nuit, quoi. Ouais. Donc ouais, ça, c'est plutôt original aussi. C'est ça. Mais je pense que ça va être blindé. Enfin, oui, voir, ah, mais oui, je pense qu'il y aura plein de monde. Sûr, mais oui, même bien si sûr. C'est tard le soir, ah, ou la c'est nuit. C'est sûr, ouais, bien sûr. Les personnes fans de Marvel, elles seront toujours au rendez-vous, surtout pour Wolverine, qui est un des super-héros, enfin, qui est le super-héros le plus iconique et qui, je pense, a lancé la franchise, enfin, qui a lancé la franchise X-Men. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est d'ailleurs, si je me trompe pas, Hugh Jackman, il a le Guinness Record du super-héros le plus présent, le je crois, plus dans présent, les films ouais, c'est ça. À l'écran. Ouais. C'est ça, ouais, ouais. Exact. Ouais, ouais. Bah, à voir ce que ça donne. Moi aussi, je dois t'avouer, je l'attends impatiemment. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, vous le voyez, du film d'animation avec Maman chez Méchant 4 et Deadpool et Wolverine, des suites, encore des suites, mais tant que cette qualité, nous on prend, hein, bien évidemment. Bien et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir Vice Versa 2, voilà, c'est notre coup de cœur de ce mois-ci. Bah, en tout cas, merci Aurore, merci toujours un plaisir. Un plaisir. Et puis bah, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Ciné.